que l'homme se sert de son caractère en fonction de son intelligence, parce qu'il y a équilibre entre son intelligence et ses principes inférieurs, à ce moment-là, il est libre de manifester son caractère parce qu'il est toujours baqué par son intelligence. C'est-à-dire que son caractère ne lui permettra jamais de faire une erreur d'intelligence. Parce que l'émotion, le mental, est totalement assujetti à l'énergie d'intelligence. Mais tant que les hommes ne sont pas en fusion, ils sont obligés de faire attention à leur caractère et à réaliser d'abord l'intelligence en eux, de plus en plus, ce qui fera que, petit à petit, leur caractère s'ajustera à leur intelligence et éventuellement, c'est ce qui leur permettra de découvrir leur intérêt vital. Découvrir son intérêt vital, c'est ajuster son caractère à l'intelligence réelle. L'intérêt vital, c'est ajuster le caractère à l'intelligence réelle. L'homme ne peut pas ajuster son caractère par lui-même. Il peut faire un certain progrès dans l'éducation de son caractère, mais éduquer le caractère de l'homme, ça lui permet simplement de changer l'orientation de son caractère. Il ne s'agit pas pour l'homme de changer l'orientation de son caractère, il s'agit pour l'homme de garder son caractère, mais de rendre ce caractère-là de plus en plus parfait à cause de l'intelligence qui est présente en lui d'une façon permanente, de sorte qu'éventuellement l'homme bénéficie de son caractère. Et ça, le point qui vient est extrêmement important. Quand un homme est arrivé dans sa vie à bénéficier de son caractère, à ce moment-là, l'intelligence est dans la personne humaine. Quand un homme est arrivé dans la vie à bénéficier de son caractère, l'intelligence est sur la terre. L'intelligence est dans la personne. Et un caractère qui bénéficie de l'intelligence dans la personne ne peut plus être onéreux vis-à-vis la personnalité. Et à ce moment-là, l'ego n'est plus réflectif dans l'homme. À ce moment-là, c'est le caractère qui devient la force à travers laquelle l'énergie de l'intelligence se manifeste et l'ego n'est plus réflectif dans l'homme parce que le caractère n'a plus besoin d'opinion pour se conscientiser de lui-même. Autrement dit, l'homme n'a plus besoin de s'inquiéter de lui-même. Autrement dit, l'homme n'a plus besoin de s'inquiéter de lui-même. Lorsque l'homme n'a plus besoin de s'inquiéter de lui-même, il n'a plus besoin de la réflexion de l'ego. Quand l'homme n'a plus besoin de la réflexion de l'ego, il ne vit que de son caractère. Vivant de son caractère, il magnétise mentalement et émotionnellement l'énergie de l'intelligence et il devient automatiquement, sur le plan matériel, un être intelligent. Mais pour que l'homme puisse magnétiser l'énergie de l'intelligence, parce que l'énergie de l'intelligence est une énergie qui se magnétise par le mental et l'émotionnel, il faut que l'homme soit suffisamment en dehors de la réflexion de son ego pour pouvoir vivre de son caractère simultanément avec la pénétration de l'intelligence dans son mental et dans son émotionnel. Et c'est ça qui crée le phénomène de fusion, de plus en plus accéléré. Mais les gens ne réalisent pas leur caractère. Ils en essuient les bévues. Les gens en essuient les erreurs. Qui les gens? L'ego des gens. Alors, les hommes souffrent dans leur ego à cause de leur caractère. Puis ça, c'est traître. Puis ça, c'est encore un autre des fondements de la conscience supramentale et de la psychologie universelle de l'homme. Un homme ne doit jamais souffrir de son caractère dans son ego. Mais un homme ne peut pas vivre à la fois de son caractère et de son ego. Il vit soit de son caractère et de son ego, ou un petit peu de son caractère et un petit peu de son ego. Mais l'homme, quand il vit de son ego, il vit toujours de son ego en fonction de son caractère. De sorte que son caractère, s'il est plus ou moins désaxé, plus ou moins désordonné, son ego, lui, à cause de la réflexion, absorbera le désaxe ou le désordre du caractère et s'imputera, lui, la faute de l'action. Ce qui forcera l'homme automatiquement à se comparer à des valeurs sociales et en se comparant à des valeurs sociales, rempirera son mal et c'est un cercle vicieux. Comprenez-vous ce que je dis? C'est subtil. Tandis qu'un homme qui peut instantanément véhiculer son intelligence, autrement dit, magnétiser l'énergie de son intelligence au niveau mental et au niveau émotionnel, automatiquement est forcé de se servir de son caractère. Moi, quand je magnétise l'énergie de l'intelligence dans mon mental et mon émotionnel, je manifeste instantanément mon caractère. Et comme mon caractère est de nature, je suis un lion, de naissance. Alors, le lion de naissance, c'est un être qui est ambitieux. Le lion de naissance, c'est un être qui est orgueilleux. Le lion de naissance, c'est un être qui aime l'adulation, ainsi de suite. Ça, ce sont les aspects. Le lion de naissance est un être généreux. Mais dans le lion de naissance, il y a des caractéristiques du tempérament astrologique qui font partie du caractère. Et le lion de naissance, s'il doit un jour devenir universel, doit transmuter ce tempérament astrologique pour ne garder que la force du lion, la force de la générosité, la force de l'ambition, la force de l'orgueil, une fois transformé, transmuté, devenant le point de mire de sa vision qui dépasse les conditions existentielles et qui lui donne la puissance de l'intelligence, mais non réfléchie par l'ego, mais extensible dans l'infinité, ainsi de suite. Alors, ceci formant le caractère du lion, pour prendre mon modèle, devient, quand je magnétise l'énergie de l'intelligence en fonction de mon caractère, une force d'expulsion dans le temps et l'espace de cette énergie qui sert à vous autres à apprendre certaines choses. Mais si, au niveau de mon caractère de lion, au niveau de l'instabilité qui peut exister dans le tempérament astrologique du caractère de lion, une instabilité étant, par exemple, l'ambition, ou une instabilité étant l'orgueil, ou une instabilité étant quoi d'autre? Qui c'est qui a un lion qui est croche? Générosité, c'est pas mal positif. Bon, disons l'orgueil, prenons l'orgueil. Alors, si mon caractère de lion n'était pas capable de magnétiser mentalement, émotivement, l'énergie de l'intelligence, automatiquement, je ferais une pourriture d'orgueil. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qui se produit chez l'homme quand il est inconscient? Quand il est inconscient, tu as un caractère qui n'est pas capable de magnétiser l'énergie d'intelligence mentalement, émotionnellement, et automatiquement, qui c'est qui subit le choc? Qui c'est qui subit? Qui c'est qui en est malheureux de son caractère? C'est l'ego. C'est pour ça que j'incite les gens à reconnaître leur caractère et à réaliser l'importance de leur caractère et à réaliser que leur caractère, c'est l'accumulation vibratoire et mémorifique de tout leur passé expérientiel et de se servir de ce caractère-là, mais en fonction de l'intelligence et non en fonction ou en relation avec la réflexion que crée le caractère instable ou instabilisé ou non parfait dans l'ego. C'est pour ça que j'ai déjà dit dans les séminaires, quand je disais « tout ce que vous faites, c'est correct », ça ne veut pas dire que tout ce que vous faites, c'est parfait. Ça veut dire que ce que vous faites, c'est en fonction de votre caractère, puis si votre ego est capable de se dissocier de la valeur sociale de ce que vous faites, automatiquement, vous bénéficierez de votre caractère, c'est-à-dire qu'avec le temps, votre caractère s'ajustera, c'est-à-dire qu'avec le temps, vous pourrez magnétiser l'énergie d'intelligence sur le plan mental et sur le plan émotionnel. Mais si vous ne convenez pas avec vous-même de l'importance de votre caractère, autrement dit, si vous ne convenez pas avec vous-même de la réalité que manifeste un peu votre caractère et que votre ego, à cause des mécanismes de réflexion, s'apitoie, se condamne, se diminue à cause de l'activité d'un caractère qui n'est pas ajusté, automatiquement, il ne vous sera jamais capable, possible, de magnétiser l'énergie du mental et l'énergie émotionnelle à votre profit, c'est-à-dire de syntoniser l'énergie d'intelligence avec votre caractère. C'est pour ça que je déteste les gens qui s'apitoient sur eux-mêmes. Parce que quand on s'apitoie sur soi-même, quand on se diminue, quand on s'enlève quelque chose à cause de la réflexion de l'ego qui réfléchit ce que le caractère est incapable parfaitement d'exécuter pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est très grave pour l'homme. Il se passe que l'homme renie les antécédents évolutionnaires de son expérience d'être. C'est-à-dire qu'un homme peut venir d'une planète très évoluée. Un homme peut avoir exécuté sur une planète lointaine des activités qui lui ont extrêmement bien servi. Et une fois revenu dans le corps matériel sur la Terre, il n'est pas capable de bénéficier de cette science qu'il a accumulé, de cette expérience qu'il a accumulée dans un lointain passé. Pourquoi? Parce qu'il est assujetti trop fortement à la vibration de l'ego. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de comprendre le pouvoir des valeurs sociales sur l'ego. Autrement dit, où commence le mal humain? Où commence le mal de l'homme? Il ne commence pas dans l'homme. Il commence dans le pouvoir des valeurs sociales sur la conscience humaine, c'est-à-dire sur l'ego. Et ça, c'est tellement vrai, ce que je vous dis, c'est tellement réel, que si je me proposais un jour de décrire, d'expliquer les mécanismes de la psychologie de l'évolution, je serais reconnu dans le monde comme un anarchiste. Automatique. Les seules personnes qui pourraient reconnaître quelque valeur que ce fût à mes écrits seraient les personnes qui sont un petit peu plus marginales, qui n'ont pas la capacité réellement de parfaitement bénéficier de leur intelligence à cause du fait que leur caractère n'est pas parfaitement ajusté à leur intelligence, mais qui ont suffisamment de sensibilité à leur caractère pour vibrer à ce que je dirais. Et les autres personnes qui sont incapables à cause de la grande réflexion dans leur ego, des activités de leur caractère, à cause du jeu entre l'ego et la valeur sociale, ces gens-là chercheraient à me détruire et à éliminer et à enlever mes livres du marché, surtout les gouvernements. Comprenez-vous? Et c'est normal. C'est très normal. Mais nous vivons aujourd'hui dans un temps plus heureux qu'auparavant. De sorte qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'indexer du matériel que ça l'était là, 40-50 années. Mais ce point-là est extrêmement intéressant et ça me fait plaisir d'en parler parce que je comprends tellement parfaitement la nature de l'homme que lorsque je commence à soulever des voiles sur la composition psychologique de l'homme en dehors des vues de la psychologie cartésienne, il m'est plus facile de dialoguer directement avec l'esprit de l'homme afin de passer au-delà de son intellect. Une fois que j'ai la capacité de dialoguer avec l'esprit de l'homme, autrement dit, de fermement établir des points qui peuvent facilement se conjuguer en expérience et facilement se conjuguer en réalisation, à ce moment-là, ça facilite mon travail et ça facilite l'évolution de l'homme. Et tous les hommes sont très près du fait de l'expérience que constitue l'impossibilité à l'ego de parfaitement réfléchir son caractère à cause de la puissance sur son émotion et sur son intellect de la valeur sociale. Ce n'est pas la valeur sociale qui est le problème dans le monde. Moi, je vis dans un monde où la valeur sociale exerce sa puissance et son influence, mais je ne suis aucunement affecté par la valeur sociale parce que mon caractère est totalement ajusté à mon intelligence et comme mon caractère est ajusté à mon intelligence, ce n'est pas mon ego qui dicte à ma personne comment mon caractère devrait réagir à la valeur sociale. C'est mon intelligence qui dicte à mon être, ce que mon être devrait savoir de la valeur de l'expérience sociale ou de la valeur sociale sur mon émotion et sur mon mental. Exemple. Tout le monde aujourd'hui qui va dans le Nord et qui passe sur les autoroutes paye 50 cents. Hein? C'est aujourd'hui 50 cents? Bon. Aujourd'hui, on paye 50 cents, puis ça fâche bien du monde. Il y a énormément d'esprit. Je voyais des gens ce soir qui prennent un 50 cents et le cachent. Pensez-vous que ça va changer le gouvernement parce que vous garochez votre petite crise de 50 cents? Si le gouvernement institue que vous devez payer 50 cents à l'autoroute, c'est parce que le gouvernement a essayé de maximaliser une situation en minimisant un autre. Le gouvernement n'est pas assez stupide pour s'enlever des votes en vous demandant 50 cents. Quand le gouvernement vous demande 50 cents, laissez-moi vous dire une chose parce qu'ils sont obligés de le faire. Si vous n'êtes pas assez intelligent pour voir ça, si vous n'êtes pas assez sans émotion pour voir ça, mais à ce moment-là, vous allez souffrir de votre 50 cents, puis automatiquement, vous allez perdre de l'énergie émotionnelle chaque fois que vous allez passer devant la boîte. Ça ne va rien changer parce qu'aujourd'hui, vous payez 50 cents, dans quelque temps, vous allez payer 80 cents, ça va monter jusqu'à une pièce et quart. Fait que faites-vous-en pas. Merci. Mais les gens sont tellement imbus de la valeur sociale, puis sont tellement pognés dans la valeur sociale, que si la valeur sociale change, automatiquement, ils se fâchent, parce que la valeur sociale ne convient pas à leur intérêt. Et je vais vous dire une chose, un jour, vous saurez qu'aucune valeur sociale créée par la cinquième race ne peut être d'intérêt à l'homme de la sixième. Il n'y a aucune valeur sociale créé par l'homme de la cinquième race qui peut convenir à l'homme de la sixième race. Parce que l'homme de la sixième race, pour être heureux, il ne faut pas qu'il y en ait de valeurs sociales. Fait qu'aussitôt qu'il y en a une, même si elle est bonne, elle n'est pas bonne. Mais les valeurs sociales créées par l'homme de la cinquième race sont nécessaires pour maintenir l'équilibre des gouvernements, ainsi de suite. L'équilibre des sociétés. Alors l'homme de la sixième race qui se conscientise et qui un jour en arrive à ne plus être attaché ou attristé ou affligé émotivement par la valeur sociale, parce qu'il commence à magnétiser l'énergie d'intelligence, automatiquement ne souffre plus de la valeur sociale et l'intelligence s'occupera toujours qu'il ait suffisamment d'intelligence pour qu'il y ait toujours équilibre entre la valeur sociale et son caractère. Et comme il y aura toujours équilibre entre la valeur sociale et le caractère de l'homme qui est capable de vivre de l'intelligence supplémentaire, à ce moment-là, ça n'a pas d'importance que tu payes 50 cents à l'autoroute ou 1,25 $ à l'autoroute ou 5 $ à l'autoroute. Parce que l'intelligence s'organisera toujours pour que tu puisses payer ton 25 cents, ton 50 cents, ta pièce à quart ou ton 5 $. Où l'homme s'offusque, c'est qu'il a l'impression de perdre quelque chose, de perdre de l'argent dans ses poches. Puis dans le fond, l'homme ne perd rien dans ses poches. Il accumule simplement la tension émotionnelle d'avoir perdu quelque chose dans sa poche. Et c'est la tension émotionnelle liée au fait que son caractère n'est pas capable de s'ajuster à son intelligence et qui automatiquement crée du feedback dans le windshield de son ego, qu'il est obligé de se laver constamment les vitres. Et comme il se lave constamment les vitres, il pleut tout le temps dehors. Et comme il pleut tout le temps dehors, il n'est jamais heureux. Ainsi de suite, ainsi de suite. Puis ça, c'est bien important. Si vous êtes capable de saisir ceci, vous avez déjà une valeur dans vos poches pour le 5 $ ou 10 $ que vous avez payé à soir. Vous voyez, vous avez payé. Ça fait longtemps que vous payez les 10 $. J'ai hâte que ça arrête, ça, sacrément. En tout cas, pendant que ça dure, moi, j'en bénéficie. Pendant que j'en bénéficie, vous autres, ça dure. Tu sais comment c'est subtil? Parce que si j'en bénéficiais pas, j'aurais pas l'énergie. Parce que je suis pas un être spirituel. Je suis un être intelligent. Puis comme l'intelligence demande toujours qu'il y ait un ordre dans ton caractère et elle-même, comme l'intelligence demande toujours qu'il y ait un équilibre entre ce qui sort et qui rentre, à ce moment-là, ça me donne de l'énergie pour continuer. Jusqu'à temps là, que réellement, je n'ai plus d'énergie. Parce que j'en ai de moins en moins. Mais en attendant, bon, ça me booste à continuer. Mais la valeur du 10 $, c'est pas une valeur qui est psychologique. C'est simplement une façon pour vous autres de vous immiscer dans une réalité qui est manifestée, qui demain vous ne sera plus pesante sur les épaules. Demain, vous ne sentirez plus votre 10 $. Je vais vous donner un exemple. Vous autres, vous me donnez 10 $. Puis moi, ça va me coûter 10 000 $ pour réparer les oreilles à Guy Croteau. Hein? Alors, Guy Croteau, il a un mal d'oreille. Ses oreilles, il faut qu'il soit réparé. Il ne peut pas passer des années avec des oreilles de même. Guy Croteau n'a pas 10 000 $ dans ses poches. Moi, je l'ai 10 000 $ dans ses poches. Enfin, je vais l'envoyer à Boston réparer ses oreilles. Puis moi, je vais payer pour ses oreilles. C'est comme ça de l'intelligence que ça fonctionne. Puis quand vous comprendrez ça, là, comment est-ce que ça fonctionne, de l'intelligence, puis du matériel, puis de l'intelligence, puis de l'argent, puis de l'intelligence, puis du caractère, puis de l'intelligence, puis de l'ego, à ce moment-là, il vous sera possible de construire une société anonyme et éventuellement, vous n'aurez plus à travailler. Mais aussitôt que l'ego se met de la partie, aussitôt que l'ego s'ajuste à lui-même et que l'ego n'est pas capable de s'éteindre et de ne vivre que du caractère vis-à-vis et en relation avec l'intelligence, l'ego supporte le poids de son action et comme son action n'est jamais parfaitement convaincante à lui, il n'est jamais capable de parfaitement réaliser ce qu'il peut faire avec son intelligence, de sorte qu'il souffre toujours de son caractère. C'est fort. Les gens disent qu'ils souffrent de leur ego. C'est pas que les gens souffrent de leur ego, les gens souffrent de leur caractère. Et c'est dans leur ego que la souffrance est manifestée. C'est pas de leur ego qui souffre, c'est pas de votre ego que vous souffrez, c'est de votre caractère. Si vous étiez capable de vivre de votre caractère et de vivre votre caractère, et un caractère, ça se vit mentalement, émotivement, parfaitement, à ce moment-là, il n'y en aurait plus de réflexion dans votre ego. Vous ne souffririez pas de votre ego. Alors, l'histoire de l'ego, puis l'histoire que c'est l'ego qui souffre, c'est pas l'ego qui souffre. C'est que le caractère n'est pas capable de s'ajuster à son intelligence et automatiquement, il y a du feedback émotivement et mentalement. Et ça, on appelle ça de l'ego. De la souffrance d'ego. Preuve. Quand vous vous couchez le soir, vous vous dormez. Supposons que le jour, vous avez une femme, vous aimez bien votre femme, puis le soir, vous allez saluer Sainte-Catherine quand vous dormez, puis vous rencontrez une guidonne. Puis vous avez une relation avec votre guidonne dans la nuit. Votre ego ne souffre pas, hein? Il aime ça en maudit. Quand est-ce qu'il souffre, votre ego? C'est le matin quand vous vous réveillez. C'est le matin quand vous vous réveillez qu'il souffre, votre ego. Pas le soir quand il salue Sainte-Catherine dans le rêve. C'est le matin. Là, ça marche. Surtout les seins, parce qu'il y a des seins parmi nous autres. Les seins, là. Ça marche, l'overtime. Comment ça se fait que j'ai des rêves de même? Je dois avoir des pensées subliminales. Je dois avoir des pensées inconscientes, là. Puis là, ils vont voir le psychologue, puis ils vont voir l'hypnologue, puis voir comment ça se fait qu'ils rêvent des cochonneries comme ça quand ils aiment leur femme puis qu'ils ont 5 enfants à la maison. Fait que c'est l'ego. C'est l'ego qui se réveille. Pourquoi? Parce que la nuit, quand vous rêvez toujours avec votre caractère. Fait que ce que vous faites dans la nuit, dans vos rêves, ça fait partie de votre caractère. Le jour, vous n'êtes pas capable de le faire parce que vous avez des valeurs sociales qui bloquent votre caractère. Puis, comme votre caractère n'est pas ajusté à votre intelligence, c'est évident que vous pouvez pas faire certaines choses que peut-être vous pourriez faire si vous aviez du caractère fixé à votre intelligence. Parce qu'à ce moment-là, votre ego ne sera pas impliqué. Et c'est pour ça que l'homme de la sixième race pourra vivre des expériences que l'homme de la cinquième race ne peut pas vivre. Heureusement que l'homme de la cinquième race ne peut pas le vivre parce que son caractère et son intelligence ne sont pas fixés. Alors, automatiquement, pour sauver, pour empêcher qu'il y ait un abrutissement des mœurs sur la Terre, mais il y a ce qu'on appelle un code civil, un code social, il y a des valeurs sociales. C'est subtil. Il y en a qui rentrent dans la nuit le soir, qui se couchent, ils ont assez hâte de rêver. Parce que c'est là qu'ils se défoulent, comprends-tu? Il y en a qui vont en astral, ceux qui ont le pouvoir, ça va en astral, là, puis je te jure qu'ils s'en passent là-dedans. Puis rien le lendemain, c'est des seins. Mais le soir, ils s'en vont en astral, ils ont assez hâte d'aller en astral. Moi, je connais un gars, je pense qu'il passe plus de temps en astral qu'il passe à la job. Il m'a dit ce qu'il est allé, il va te dire, il t'a dit qu'il voyage pas mal. Tout good? Fait que c'est neuf, ça, pour nous autres, de comprendre que notre problème, c'est pas notre ego. Notre problème, c'est que notre caractère n'est pas ajusté à notre intelligence. Quand notre caractère sera ajusté à notre intelligence, on souffre plus de notre ego. Mais pour que le caractère soit ajusté à l'intelligence, il faut que mentalement, on soit capable d'absorber l'intelligence, qu'émotivement, on soit capable d'absorber l'intelligence, c'est-à-dire qu'on soit capable, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, qu'on vit différentes expériences, de ne pas perdre de vue ce que notre caractère nous indique. Et si vous arrivez un jour à ne pas perdre de vue ce que votre caractère vous indique, vous serez capable de voir ce que votre intelligence vous montre. Ce que votre caractère vous indique, je vous donne un exemple. Ce qu'un caractère peut indiquer, par exemple, bon, c'est le goût, j'aimerais ça vivre saigné d'un jour et avoir un petit bateau. Mettant au soleil, ça c'est le caractère qui indique ça. Ça c'est vibratoire. L'intelligence, un jour, s'est ajustée à votre caractère, elle vous amènera dans une condition de vie où peut-être que vous ne vivrez pas sur une île, mais que vous vivrez dans un environnement socialisé à une autre échelle où vous aurez le bénéfice vibratoire de la paix que votre caractère cherche à avoir, mais dans une condition d'intelligence qui sera totalement haute que ce que votre caractère peut vous indiquer, parce que ce que votre caractère vous indique, il vous l'indique toujours en fonction de votre intelligence subjective. Votre caractère ne peut pas vous indiquer des choses en fonction de votre intelligence parce que vous n'êtes pas encore suffisamment dans votre intelligence. Mais quand vous serez suffisamment dans votre intelligence, votre caractère vous indiquera des choses en fonction de cette intelligence au lieu de vous indiquer des choses en fonction de votre intellect et de votre code de désir. Et à ce moment-là, vous pourrez voir votre intérêt vital et vous pourrez éventuellement mettre votre doigt sur votre intérêt vital Et à ce moment-là, vous aurez la force de l'intelligence et la volonté de l'intelligence pour faire et créer les conditions sur le plan matériel qui vous amèneront à exécuter une fois pour toutes votre caractère sur le plan matériel. Et à ce moment-là, vous serez bien sur le globe. Dans le passé, j'avais toujours l'impression fallait que je m'évertue en parlant. Et là, dernièrement, mes vibrations commencent à changer de sorte que je n'ai pas à m'évertuer parce que je ne veux plus vous convaincre. Je n'ai plus à vous convaincre. Ce travail-là, je l'ai fait. Il était fait, ce travail-là. Je pense que je vous ai assez convaincu. Je pense que je vous ai assez convaincu du common sense, de l'intelligence bien terre à terre de mon intelligence. Maintenant que je pense que je vous ai assez convaincu de l'intelligence bien terre à terre de l'intelligence, à ce moment-là, je peux commencer à vous parler intelligemment. Et aussi, moi-même, à bénéficier de vous parler au lieu de travailler comme un chien à vous parler. C'est fatigant à parler. Il y a une autre notion qui est très, très importante pour l'homme. C'est la notion, j'appelle ça la notion du calvaire humain. La notion du calvaire humain, c'est une notion que je suis en train de développer, là, on va voir ce que ça me mène. La notion du calvaire humain, c'est la notion que l'homme a. C'est une notion suffisamment profonde, suffisamment liée à sa conscience sociale, à ses valeurs sociales. La notion que l'homme a, que c'est impossible sur la terre d'être heureux. Il y a comme une petite notion, là, loin dans l'homme, là, que pour être heureux sur la terre, c'est réellement tough. Il faut réellement, soit que tu sois bien riche, puis encore, tu peux avoir des bad luck. Ou, tu sais, vous dites, bon. Ou si t'es bien riche, éventuellement, t'es tellement blasé d'être riche que tu te drogues. Tu sais, la notion du calvaire humain est dans la tête de tous les hommes. Et pour ne pas souffrir de cette notion-là, il faut savoir que l'homme possède en lui un pouvoir irréductible de transformation de tout ce qui est dans son cerveau. L'homme est capable de transformer toutes les notions qui existent dans son cerveau et aussi d'ajuster toutes les notions qui affectent son émotion. L'homme a ce pouvoir-là, ça fait partie de son intelligence. Mais pour que l'homme recouvre ce pouvoir-là, il faut qu'il prenne conscience qu'il est absolument impossible à une société d'empêcher un être humain de développer la conscience de son intelligence. Et lorsqu'un homme a compris, a réalisé qu'il est impossible à une société, que ce soit communiste ou capitaliste, d'empêcher un homme d'avoir accès à son intelligence, l'homme, à ce moment-là, est capable de réaliser le pouvoir de l'intelligence. Et en réalisant le pouvoir de l'intelligence, réaliser le pouvoir de l'intelligence sur le plan matériel, c'est-à-dire dans sa vie matérielle. Et l'intelligence a un pouvoir dans la vie matérielle de l'homme, parce que l'intelligence étant une énergie, est capable éventuellement d'être contrôlée émotivement et mentalement par l'homme. Et c'est ce point-là que je veux commencer à parler. Lorsque l'homme sera capable d'émotivement et de mentalement contrôler l'énergie de l'intelligence, il ne pas être émotivement ou mentalement affecté par une donnée quelconque de l'intelligence, l'homme entrera dans le champ de force, dans son champ de force. Quand je dis que l'homme doit un jour contrôler l'énergie de l'intelligence et mentalement et émotivement, je veux dire que, se créant une expérience quelconque dans sa vie. Exemple. Supposons que l'homme est en bateau sur la mer et que le bateau sombre. Si l'homme sombre avec le bateau, c'est parce qu'il aurait eu de l'émotion et de l'intellect dans son intelligence. Si l'homme est sur la mer et qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas d'intellect dans son intelligence, l'homme ne peut pas sombrer, c'est impossible. Soit qu'il viendra un bateau, ou soit qu'il lui viendra un aide occulte, ou soit qu'il se produira quelque chose qui éliminera complètement l'influence karmique sur son comportement humain. Et ce que je vous dis, je ne peux pas vous le prouver, puis je ne vous donnerai pas de preuves, mais ce que je vous dis, c'est réel. Ce que je vous dis, c'est absolument réel, c'est indiscutable pour l'homme qui le sait, ça se discute par l'homme qui ne le sait pas. Mais ça peut lui donner au moins un indicateur, un index du pouvoir et de l'énergie de l'intelligence sur le plan matériel. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est pour vous faire comprendre que l'homme, tant qu'il est intellect et émotion, n'est pas complet. Et tant qu'il n'est pas complet, il n'est pas unifié à l'universel. De sorte que, n'étant pas unifié à l'universel, s'il y a des influences planétaires, ils sont. La présence de l'intelligence dans l'homme, ce n'est pas simplement une présence intelligente, c'est une présence vibratoire. La notion de l'intelligence qu'on a, nous autres, les hommes, nous force, nous impose presque à concevoir l'intelligence comme étant de l'intelligence. Mais je vous dis, je vous le répète, l'intelligence, c'est une vibration, c'est une énergie. Et lorsque l'homme aura été capable d'assujettir son ego à son caractère, c'est-à-dire lorsque l'homme sera capable de permettre que son caractère remplace son ego, l'homme ne sera plus incomplet. L'homme de la sixième race, quand je parle de l'homme de la sixième race, je parle de l'homme de la sixième race qui aura compris les lois de l'intelligence sur la Terre. L'homme de la sixième race qui aura réalisé le pouvoir de l'intelligence sur la Terre, cet homme-là aura complètement compris le pouvoir de l'intelligence en fonction de sa capacité de vivre parfaitement son caractère. Autrement dit, si on me demandait qu'est-ce que c'est la mesure de la descente de l'intelligence sur la Terre, c'est l'exactitude de la réponse mentale et émotive de l'homme, c'est-à-dire de son caractère vis-à-vis l'énergie de cette intelligence. C'est pour ça que c'est normal et c'est inévitable qu'au cours des années où l'homme ira vers la conscientisation, c'est normal et inévitable que vous viviez des expériences qui mettent constamment en test votre caractère. Et c'est justement le test constant de l'intelligence. Maintenant que vous savez qu'il y a des manipulations derrière la matière, c'est justement cette réalisation-là qui fait que votre caractère, avec le temps, sort de ses gonds. Et tant que le caractère de l'homme n'a pas sorti de ses gonds, il est dans les gonds de la conscience sociale. Tant que le caractère de l'homme n'est pas sorti de ses gonds, il est dans les gonds de la valeur sociale. Et ça, c'est tellement vrai que je ne peux pas vous dire comment est-ce que c'est vrai. Si je vous disais que moi, j'ai réussi, à un certain moment de ma vie, de me servir de l'énergie de l'intelligence pour commencer mon travail en sortant de mes gonds. Si je vous disais comment est-ce que j'ai sorti de mes gonds, les saints parmi vous autres, vous seriez scandalisés. C'est tellement réel, ça. C'est tellement réel, ça, que ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Ça a du sens seulement quand on sort de nos gonds. Puis je sais que sur le plan de votre expérience personnelle, même si elle est subjective jusqu'à un certain point, vous avez eu des expériences dans votre vie où vous êtes sorti de vos gonds, mais vous êtes retourné dedans. Vous autres, quand vous sortez de vos gonds, vous retombez dans les gonds après. Tandis que moi, j'ai sorti de mes gonds, c'était final. Vous autres, vous retournez dans vos gonds. Mais remarquez que chaque fois dans votre vie que vous avez sorti de vos gonds, il y a eu des changements dans votre vie. Puis Ça, c'est tellement fort, c'est tellement fort, que toutes les données, puis toutes les explications, puis toute la jasette que je fais avec vous autres depuis des années de temps, ça revient à ça. C'est qu'un jour, vous serez obligé de sortir de vos gonds. Et ceux qui réussiront à sortir de leurs gonds feront partie de la société anonyme. Quand je parle de sortir de ses gonds, je veux pas dire nécessairement en violence, et ainsi de suite. Quand je parle de sortir de ses gonds, je veux dire réellement sortir de cette condition de l'homme qui est véhiculée à lui par les valeurs sociales. Et un homme qui sort de ses gonds entre dans son intérêt vital. Mais il est obligé de sortir de ses gonds pour entrer dans l'intérêt vital. Puis chaque homme sort de ses gonds selon la grosseur de ses gonds. Il y en a qui ont des petits gonds, il y en a qui ont des gros gonds. Moi, j'en avais des gros gonds à cause de la fusion. Vous autres, vous avez des gonds qui sont le résultat de la socialisation, vos valeurs. Ça, c'est des petits gonds. Mais quand vous êtes fusionnés et qu'eux autres vous gagnent, là, t'es gonné. Moi, j'en avais des gros gonds. C'était plus qu'un gond ici, puis un gond là, c'était un rod. C'était une rod. Ça fallait que je sorte de la rod. Je suis sorti de la rod. Tandis que vous autres, vous avez des petits gonds. Un petit gond ici, puis un petit gond là, vous pouvez sortir des gonds. Mais l'homme doit sortir de ses gonds. Et l'homme qui se conscientise sortira de ses gonds, et en sortant de ses gonds, il comprendra parfaitement ce que je dis. Plus vous allez sortir de vos gonds, plus vous allez comprendre parfaitement ce que je dis, puis plus vous allez être capable, au niveau de votre intelligence, d'ajuster votre caractère. Et automatiquement, ne plus souffrir, ne moins souffrir dans votre ego. C'est un exemple. Pas que tu es sorti trop de tes gonds ensemble, encore, mais le fait que tu as commencé à comprendre pour ne moins en moins souffrir de ton ego. Mais voilà. Il y a des gens parmi vous qui ont des caractères extraordinaires. Extraordinaires. Mais l'ego est tellement fort que le caractère extraordinaire ne peut pas se manifester. Il ne peut pas se manifester. Parce que l'ego est trop là. Les illusions de l'ego, la forme sociale, la valeur sociale. Et c'est ça qui détruit en l'homme le pouvoir de l'intelligence. C'est la valeur sociale. C'est subtil, c'est vibratoire. Quand je vous parle, moi, là, quand je parle, puis que je détruis des formes, puis je détruis des formes, puis je détruis des formes, puis je parle contre le gouvernement, puis les gouvernements, puis les institutionnalisations de l'homme, là. Aujourd'hui, je suis bien habitué, mais voilà 10 ans, voilà 8 ans, il y avait une petite vibration dans mon mental. Je parle là, c'est en russe que je dis, mais d'un coup, c'est rapporté. C'est subtil. Vivre en dehors et parler en dehors de la forme sociale, c'est toute une gymnastique. C'est toute une gymnastique. C'est pas tellement pire pour vous autres parce que vous êtes pas des aides publics. Mais quand tu es un aide public comme moi, tout le monde te watch. C'est toute une gymnastique. J'ai en fait de la gymnastique. C'est pour ça que tout le monde me watch, mais personne ne comprend ce que je dis. C'est pour ça que je suis safe. Quand je dis personne, je parle de public, on est oh. Oh, c'est bien loin. On va m'arranger ça. Alors, le calvaire humain, cette notion du calvaire humain qui existe dans tous les hommes, est une notion extrêmement dangereuse pour son intelligence. Extrêmement fautive pour le développement de son caractère et extrêmement pernicieuse parce qu'elle empêche son caractère éventuellement d'être en harmonie vibratoire avec son intelligence. De sorte que l'homme est voué à l'extinction de la descente ou de l'intelligence sur la Terre. Et c'est ce qui se produit. L'intelligence sur la Terre doit un jour conquérir l'humanité. L'intelligence sur la Terre, un jour, doit se répandre et se répandre pendant des siècles et des siècles. L'intelligence, maintenant que les portes ont été ouvertes, ne pourra jamais être abolie et retardée et retranchée de l'expérience humaine. Jamais. Jamais. Jamais. Jamais. Jamais. C'est impossible. Mais l'homme, lui, l'individu, doit un jour bénéficier de cette intelligence. Et pour qu'il en bénéficie, il faut qu'il réalise que la notion du calvaire humain qui fait partie de la conscience de tous les hommes, surtout les hommes qui souffrent le plus socialement, cette notion doit être éliminée de leur vision pour qu'ils puissent la remplacer par une vision quasi-imaginaire ou quasi-impossible pour l'homme de la cinquième race, mais réelle pour lui. On peut pas mesurer notre façon de voir les choses en fonction de ce que la masse pense. C'est terrible. C'est terrible. Quand on réalise plus en plus notre individualité, penser, même à la moindre mesure des autres, c'est terrible. C'est terrible. Moi, je trouve ça terrible. Et ne pas penser à la mesure des autres, c'est pas facile. Parce que la valeur sociale est très puissante et elle est très présente et elle maintient prisonnière notre émotif. C'est par notre émotion qu'on est esclave de l'espace et du temps. C'est par notre émotion qu'on est esclave de la forme de la valeur sociale. Totalement par notre émotion. Si vous saviez qu'est-ce que c'est de l'émotion, vous seriez écœuré avec vous-même. Je suis sûr que des fois, vous l'êtes un petit peu. J'ai déjà demandé comment ça se fait qu'on est obligé de passer par des changements, en tout cas, c'est même. Puis ils me répondaient qu'ils n'ont pas d'autre façon. Même s'il y avait manifestation directe, on deviendrait des vrais tatas. T'imagines une manifestation directe des mondes parallèles à nous autres avec nos émotions? Ça serait une autre religion. Fait que celui qui viendrait, là, ce serait Saint-Michel-Archange, puis on deviendrait tous des Michel Archélite. On deviendrait des vrais tatas. C'est ce qui s'est produit dans le passé, c'est ça qui a créé des religions. C'est pour ça que, pour nous autres, les hommes, maintenant qu'on a un support de vie sur le plan matériel qui consiste à une intelligence qui n'est pas réductible, on est capable au moins de toujours regarder dans la direction de ce fort-là. Toujours, puis avancer, puis avancer, puis avancer, puis avancer. Et jamais, jamais nous permettre, nous, émotivement, de douter de la moindre perception qu'on a de notre intelligence. Pour que notre caractère sorte de ses gonds éventuellement. L'institutionnalisation de l'homme, c'est facile. Mais l'insurrection de l'homme complet contre l'homme incomplet, c'est un autre paix de manche. L'insurrection de l'intelligence contre l'astral, c'est un autre paix de manche. C'est l'astral qui contrôle le monde aujourd'hui. C'est pas l'intelligence. C'est l'astral. Et les notions d'infinité qu'on a, puis les notions d'espace qu'on a, puis les notions de temps qu'on a, sont des notions qui conviennent, monsieur, à la valeur sociale. Qu'est-ce que c'est pour toi l'infinité? Pas d'espace. Puis qu'est-ce que c'est pour toi l'espace? C'est du temps. Puis qu'est-ce que c'est pour toi le temps? C'est une barrière. Fait que t'es pris en pas d'espace, du temps, puis la barrière. Tu vas pas loin avec ça. Tu comprends? Tu vas pas loin. Alors, la notion de l'infinité pour l'homme, c'est une notion qui ne fait pas partie de son vocabulaire. La notion dans sa manifestation expérientielle. Et l'homme doit un jour comprendre qu'est-ce que c'est l'infinité.